Salut Gilles! Gilles, t'es-tu là? Je suis là, ça va bien? Oui, ben oui, on est avec toi, là. T'es où sur la planète en ce moment? Ben, je vais commencer par te dire en premier lieu que c'était pas ta meilleure toune, là. Non! Parce que moi, personnellement, je l'ai pas aimé pantoute, là. Moi, je l'ai détesté aussi. C'est la dernière fois qu'elle joue ici. Ah, ben, merci bien. Parce que là, présentement, je suis à Coco. OK. Ça, c'est un nouveau pays qui vient juste d'être formé. Ça s'appelle le Chocomousse. C'est un pays qui est sur une île en chocolat. C'est très, très zen de ce temps-ci. Faut dire que je suis dans l'Asie, hein. Comme je reste là, c'est vrai que je suis dans l'Asie encore pour 2 mois et demi. Merci la vie. Et ça, c'est des îles qu'ils appellent les îles éphémères. Alors, c'est un chocolatier qui vient. C'est pas ma chronique, là, mais juste pour parler aux gens. C'est un chocolatier de Paris qui vient. Il s'appelle Paris. Il habite Paris. Et il vient avec un canot qui s'appelle chocolatier. Et il déverse du chocolat dans des lagons bleus, finalement. Ça fait des petites îles. Mais le soleil est tellement chaud ici. On est un petit peu, je te dirais, là, je me fais bronzer dans le chocolat. J'ai les deux dans le chocolat. L'affaire est chocolat, comme on dit. Ah, puis cette semaine, Gilles, tu nous parles de quoi? Mais comme j'ai parlé la semaine dernière, je parle de métal. De chocomato, je pense. Exactement. Comme je t'expliquais rapidement, en Asie, il y a une très grande tendance, c'est le chocomato. Pour les gens qui ont jamais entendu cette expression-là, c'est quoi? Alors, c'est un mélange de métal et de chocolat. Alors, à titre d'exemple, c'est une British qui a inventé ça. Elle, son père travaillait dans une aciérie. Et un jour, il mangeait une barre de chocolat pour ne pas la nommer la Jordan. Ça avait des petites amandes LSB. Je pensais ça, comme ça a l'air drôle, mais la barre de chocolat s'appelle la Jordan. Et il la mangeait en aciérie, finalement. Et lui, il était vraiment à la fusion des métaux. Tu vois ce que je veux dire? Là, oui. Quand on fusionne. Exactement. Lorsqu'on fusionne. C'est le mot que je recherchais. Et écoute bien ce qui est arrivé. Il mangeait une barre de chocolat et je vais vous dire une chose. Si c'est déjà arrivé aux gens, ils vont savoir de quoi je parle. Lorsqu'on mange une barre de chocolat, quand on fait de la fusion de métaux, ça se peut qu'elle fonde assez vite avec des laves qui entourent les 500 km/h de chaleur. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et le chocolat a fondu sur le métal. Oh. Et là, il a décidé de licher le morceau de métal qui est extrêmement brûlant. Et c'est de là un peu que c'est parti le chocomoto. Là, je reviens aux années 2000, aux années aujourd'hui. En Asie, on l'utilise vraiment dans un autre concept. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des lits de métal avec des petits bouts piquants et on enduit ça de chocolat et les gens se couchent là-dessus. Première des choses, tu vas me dire, ça doit faire mal se coucher sur du métal brûlant avec du chocolat qui fond dessus. Parce que faites à noter, Danny, si tu me permets, on met toujours le même chocolat. On met la barre de chocolat Jordan. On met toujours la même barre de chocolat. Il n'y a pas d'autre chocolat qui peut fonctionner? Ou? Je te dirais que la compagnie Jordan a pris le droit de veto. Ah, okay. Donc, à titre d'information, si les gens veulent le faire, parce que tu vois ici, là, en Amérique du Nord, dans ton coin de pays, on ne retrouve pas ça encore, le chocomoto. Parce que c'est pour les articulations. On sait que les Asiatiques, ils ont une fluidité dans le sang. Ça, c'est reconnu. Moi, je le sens. Juste quand je les touche, ça glisse comme la peau de canard mouillé. Je le sens que le sang circule bien. Alors, eux, ils ont dit, on va surfer cette vague-là. On va poursuivre avec le chocomoto. Ça a des capacités, je te dirais. Je l'ai essayé moi-même, là, justement. C'est pour ça que je suis sur l'île de chocolat. Je l'ai essayé dernièrement et je te dis, là, la fusion entre la chaleur des piquants métal et le chocolat Jordan qui font dessus. Je me suis relevé de là, je me suis dit, mon Dieu, je suis chocomoto. Et de là l'expression, je suis tellement chocomoto. Ça fait tellement du bien. C'est la nouvelle acupuncture, je te le dis tout de suite. Et tranquillement, ça s'en vient en Amérique du Nord. Je le sais que quelque part, je pense que c'est à Shanghai, près de New York. Je crois que quelqu'un qui aurait parti ça s'appelle, la boutique s'appellerait Chocomuto parce que l'appellation est contrôlée. Hein. Tout ce qui s'appelle Chocomoto reste en Asie. Un peu comme le... Je m'apprête à dire ça. Il y a des boutiques spécialisées pour les gens de ma race et ces appellations qu'on reste s'appellent le derrière à moi. C'est des boutiques qu'il y a seulement en Amérique du Nord. Tu vois, en Asie, ça s'appelle le derrière à lui. Oh. Par exemple, c'est des appellations contrôlées. Peu importe. Alors, mais moi, j'avais entendu dire qu'il y en a aussi qui nommaient, qui se faisaient jordaniser. Oui, c'est un bon point. C'est ça? Ça a-tu rapport? Ou? Oui, la jordanisation, qu'ils appellent. Okay. Alors là, c'est vraiment dans un autre concept. Il faut que tu ailles en Jordanie et tu vas te promener dans une ville de Jordanie. Et juste le fait de te promener là-bas, c'est un Jordanie. Mais ça n'a vraiment aucun lien avec le chocomoto. Parce qu'il faut différencier la barre de chocolat Jordan et le pays, la Jordanie. Puis là, c'est là que des fois, les gens là font pas le lien. La Jordanie, c'est dur de faire fondre un pays. Je sais pas si tu me suis, là. Puis de te coucher sur un pays. Mais c'est un bon point que tu amènes. Mais la jordanisation, puis se jordaniser, c'est vraiment lorsque tu vas dans le pays de la Jordanie. Mais dans le coin ici, tu penses qu'on est capable de trouver? Mettons, moi, je suis dans le coin de Trois-Rivières en ce moment. Là. Est-ce qu'on peut trouver la barre de chocolat Jordan? Est-ce que ça existe? Trois-Rivières, vous, c'est vraiment appellation contrôlée sur les lunettes fumées. Okay. Vous, là-bas, là, vous êtes bien fort là-dessus. Là. Je me rappelle quand j'allais sur le bord des Forges, il y avait un café. Ben, vous n'avez tellement là, de café. Vous buvez beaucoup de café, tu vois. Mais je ne suis pas sûr que les gens de Trois-Rivières sont prêts à accepter ça. Parce qu'oubliez pas, vous avez le complexe là, de la ville pris en deux. Vous êtes comme une pomme en deux oranges. Là. Vous savez pas quel bord vous tirez. Comprends-tu? Ben oui. Alors là, si je devais investir dans le Chocomoto, moi, sans penser, je m'en vais à Saint-Berthélemy de Logo. Ça, c'est dans le nord de la Papouasie. Je commence en Afrique. OK. Parce que c'est chaud. Mmh. Comprends? Mais écoute, c'est une bonne question. Mais écoute, puis, tu peux l'essayer, mais ça te prend de l'acier, ça te prend de la chocolat jordan. Mais si tu veux, comme je dis tout le monde, si tu veux plus d'infos, tu vas sur le www.jeveuxdugillesladouceur.com. Je veux du Gilles Ladouceur, parce que je le veux. Et il va y avoir toutes mes informations là-dessus sur tout ce que j'ai. Mais je te dis que le Chocomoto, pour l'instant, ça se passe en Asie. Donc moi, excuse-moi, je bois un peu de liqueur, je fais des tirottes. Puis dans le Jet Set cette année, ben là, il y a eu la mort de Patrick Swayze. Tu trouves ça... Oh my God. As-tu un commentaire là-dessus? En un mot, là, je vais te le dire, là. Terrifiant. Terrifiant. Patrick, c'est un bon pote à moi. Je me rappelle à l'époque où il était beau. Finalement, je t'avoue, avec sa maladie, il était de moins en moins beau. Hein. Je l'aurais pas pris pour tourner. Là. Mais c'est ça que ça fait la maladie, hein, ça nous enlève dit. Mais regarde, je m'en vais à ses funérailles. Là. Je passe encore là, juste pour les gens, pour la semaine prochaine. Je m'en vais couvrir ça. Puis après, je m'en vais à un hommage d'un groupe. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler, les bébés. Les bébés font retour, hein? C'est où l'hommage et se produit où? L'hommage se fait à Gatineau, la plaque tournante de la musique au monde. De plus en plus, je fais une allocation. C'est comme je vais faire comme j'ai dit tout le temps ici aux Asiatiques, ting ting tong tong. Hein? Je vais vous faire un teaser, ting ting tong tong. Je fais un ting ting tong tong. Gatineau s'en vient de plus en plus fort sur la plaque tournante musicale dans le monde. Merci, Gilles. Ça me fait plaisir, Danny. Puis écoute, lâche pas. Puis, salut toute l'équipe, là, puis le beau gars avec la belle voix, là, qui est toujours en retard. Le beau André, il pourrait te dire un petit mot. Bonjour, mon beau Gilles, comment ça va? Salut, André. Salut. On voit complicité entre vous deux. Ben, il m'a jamais rappelé. Oui, mais t'es toujours parti aux quatre coins du monde. Moi, je peux pas te suivre tout le temps comme ça, tu sais. Oui, mais à force de me mettre dans le coin, tu pourrais me trouver dans le coin du monde, hein? Tu vois ce que je veux dire? T'aurais pu me rappeler. Mais si t'arrêtes de bouger, le monde va tourner, puis on va se rejoindre. Ah, ben, c'est un bon point que tu as là, mais je respecte pas ton opinion puis je l'appuie pas, mais tu es une bonne personne quand même, mon champion. Fait que les boys, je vous dis pareil parce que là, l'île sur laquelle je suis continue de fondre de fond, puis là, je commence à avoir les pieds dans le coraux. Alors, moi, ce que je vous dis des gros becs à tout le monde, et la semaine prochaine, je vous parle first de Patrick Swayze et je vous parle de la plaque tournante de Gatineau. Je n'y serai pas parce que je suis jamais allé là-bas. Mais je vous parle de cette plaque tournante de la musique qui s'appelle, cette ville qui s'appelle Gatineau. On s'en va en musique. Peux-tu nous présenter? Ça va être Damien Robitaille. Alors, un artiste que je n'aime pas parce que c'est un franco-ontarien, je vous présente Damien Robitaille. Merci, Gilles. Merci, bye Gilles. Bye-bye, là.